J'habite à la campagne, car c'est beau. Certains me traitent de bouseux de pecno. Qu'ils restent en ville dans leur monde surpeuplé, où je ne viendrai pas les déranger. Qu'ils gardent leur cher sol, leur pollution, qu'ils n'accélèrent pas la urbanisation ou le développement de l'exode rural qui déracine l'homme, car c'est mal. Je préfère les maisons traditionnelles, groupées ou dispersées, elles sont très belles. Elles illuminent n'importe quel paysage, pré-entouré de haies du bocage. Open field au champ non délimité, rizière avec diguette et casier. Champs gagnés sur la savane arborée, nouvelles terres agricoles, des fronts pionniers. Les activités agricoles qui font oublier les métropoles. J'admire l'agriculture commerciale à cause de son rendement optimal. Je défends l'agriculture vivrière, faisant vivre des familles entières qui cherchent un revenu complémentaire en se lançant dans le tourisme vert. J'habite à la campagne car c'est beau. Certains me traitent de bouseux de pecno. Ils restent en ville dans leur monde surpeuplé, où je ne viendrai pas les déranger.